Les mélodies sont enlaidies par les mélos. Mémorie des dix navires à pompe l'eau. Celle qui dort, celle qui pique, celle qui mord, qui sourit. Casser les lames, l'axe fermé sur l'océan. Je casse l'autre, plus salé l'axe du temps. En entrelacs de ses poussières enlacées. Sur son arrière, gare, vous les mots trompés. Dans un reflet, j'enlace l'eau, celle qui mord, celle qui pique, qui s'endort. Mais là, son dos tourne à l'envers, mêlé d'aurore. J'enlace l'eau, le ciel est l'or, l'heure est le fer. Les mélodies sont enlaidies par les mélos. Mes mots les disent, la vie raconte l'eau. Celle qui dort, celle qui pique, celle qui mord, qui sourit. Les mélodies sont enlaidies par les mélos. Mes mots les disent, la vie raconte l'eau. Celle qui dort, celle qui pique, celle qui mord, qui sourit. Casser les lames, l'axe fermé sur l'océan. Je casse l'autre, plus salé l'axe du temps. En entrelacs de ses poussières enlacées. Sur son arrière, gare à vous les mots trompés. Dans un reflet, j'enlace l'eau, celle qui mord, celle qui pique, ou qui s'endort. Mais là, son dos tourne à l'envers, mêlé d'aurore. J'enlace l'eau, le ciel est l'or, l'heure est le fer. Les mélodies sont enlaidies par les mélos. Mes mots les disent, la vie raconte l'eau. Celle qui dort, celle qui pique.